Compassion. En fait de compassion, la concurrence est lourde. Les libres médias font les réputations, délivrent des brevets et des condamnations. Le péril est constant de commettre des bourdes. Cette compétition provoquera des morts, mais non pas biologiques, autrement douloureuses. Elles sont dites sociales quand une plaie honteuse blesse la cible nue de mots qui déshonorent. Il y a celui-ci dont le taux d'audience s'inscrit au fier sourire de sa face replète quand, empli d'empathie quelque peu satisfaite, il implore la venue de notre délivrance. Béat, il y a l'autre, innocente victime, qui fait ce qu'on lui dit, soit tout et son contraire, tantôt contestataire et tantôt solidaire, mais toujours spectateur. Des pitiés magnanimes, on a peur, on se terre, l'avenir disparaît dans l'horreur d'un présent où l'on compte les morts, et l'on ressent parfois quelques vagues remords d'avoir si mal aimé tous ceux qu'on ignorait.